éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclat de lumière de janvier 2025. Je suis Victor, rédacteur et coordinateur Lumière en Art, et je vous souhaite, au nom de toute l'équipe du magazine, une très belle année 2025, emplie de joie, de bonheur, et que la culture, évidemment, continue de vous accompagner au quotidien. Pour bien commencer l'année 2025, je suis donc ce soir accompagné de Mouloud. Bonjour Mouloud. Bonjour à tous. Je suis accompagné également de Gilles. Bonjour à tous. Et qui nous rejoindra un petit peu plus tard à ce micro, également Aline, que vous entendrez un petit peu plus tard dans cette émission. Je vais commencer par un rapide rappel. Vous pouvez nous écouter en podcast sur le site de radiofadjet.net, mais aussi nous rejoindre et vous abonner donc à nos réseaux. Les deux pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, ainsi que la page Instagram Lumière en Art et, depuis tout récemment, notre TikTok qui a ouvert en cette fin d'année 2024 et qui sera donc actif pour toute cette année 2025. Pour bien commencer l'année ce soir, une émission exceptionnelle avec deux invités de qualité, venant d'univers tout à fait différents, bien que complémentaires. Et pour commencer, je vais laisser Mouloud donc présenter notre premier invité. Mouloud, c'est à toi. Alors aujourd'hui, donc, on a invité le président du Festival International du Film de Nancy-Lorraine. C'est Tony Glamczewski. Oui, bonjour. Bonne prononciation. Hein. Bravo, j'y serais pas arrivé, moi. Il a plusieurs casquettes, bien sûr. Hein. Il est président bénévole au Festival International de Nancy, du Film de Nancy. Mais il a aussi, effectivement, un traducteur, journaliste et traducteur dans les tribunaux de la région. Voilà, alors bonjour Tony. Hein. Bonjour Mouloud. Bon, là, je vais commencer d'abord, si tu peux nous faire un petit peu l'historique du festival qui s'appelait Ayaï à l'origine, avant de devenir le Festival international du film de Nancy-Lorraine. Et peut-être ton parcours rapidement, hein, depuis ton départ, de ton milieu d'origine, ton pays d'origine. Voilà. Je parlais en premier lieu du festival, festival Ayaï, comme on a rappelé un petit peu les noms d'origine pendant notre manifestation au mois de septembre l'année dernière, Ayaï Cinéma Express. C'est une idée des étudiants de l'UECA et des facultés de lettres dans les années 90, exactement en 1994, qui finalement, avec les années, ça s'est développé beaucoup, surtout dans les années 2000 et surtout après 2013, 2014, 2015, quand il a changé aussi le nom du festival, en devenant Festival International des Films de Nancy-Lorraine. Maintenant, c'est seulement Festival International des Films de Nancy. Plus pour le public de Nancy, on est toujours connu comme Ayaï Film Festival. Mais pour le public à l'extérieur, c'est plus Festival International des Films parce que c'était plus facile de communiquer. Souvent, on mettait du temps pour expliquer c'est quoi Ayaï. C'est un petit lémurien de Madagascar, animal nocturne comme les spectateurs des salles de cinéma avec les grands yeux et les grands oreilles. Les yeux tout ronds. Voilà, tout ronds quand on regarde des films, etc. On reste devant l'écran scotché. Et finalement, ça marche très bien avec les enfants parce qu'on a un autre festival, le Festival de la Petite École de films courts. C'était la 20e édition en mois de novembre, décembre, et qui s'exporte depuis 4 ans aussi à l'étranger, en Macédoine. Il y a aussi les intérêts qui passent vers la Croatie, vers la Serbie. On verra comment c'est développé. Mais pour revenir sur le festival, comme on dit, il s'est développé surtout ces dernières années, prenant une dimension assez importante. Et on a occupé un créneau ici dans la Grande Est, maintenant, la Grande Région, qui est le seul festival généraliste dans la région, qui ça nous permet aussi de diffuser des très différents films, en commençant par le film court, fiction, documentaire, de tous les genres. C'est ça aussi la richesse de notre programmation. Peut-être on va revenir un petit peu plus tard sur ça, mais pour mes origines, comme je parlais des Macédoines, c'est mes origines, je suis macédonien, ex-yougoslave à l'époque. C'est aussi lié avec l'échange entre les villes d'Épinal et les villes de Bitola, c'est ma ville natale à Macédoine, où très peu de gens ils savent ici en France qu'il y a 13 000 soldats français qui sont enterrés dans cette ville à cause des Premières Guerres mondiales. Et il y avait un jumelage qui est des années 60. 1967-68 qui était conclu. Et dans les échanges avec les villes, comme ça, j'ai croisé ma femme qui est actuellement aussi la directrice du festival de Nancy. Moi, je suis bénévole, mais elle est professionnelle dans le festival. Donc, oui, ça tombe bien. Donc, Épinal est une ville de l'image et certainement comme Macédoine, il y en a une. Bien sûr, on est tous les représentants, un petit peu les exécutants aussi pour le 7e art qui est le cinéma, grâce aux Frères Lumière aussi. Il faut leur rendre hommage. Ce que je voulais savoir, parce qu'il y a un changement au festival international du film de Nancy, il y a un changement de date. Les Nancyens doivent savoir comment cela se fait, parce que le festival qu'il y a eu en 2024, on devait fêter les 30 ans, mais c'est reporté pour 2025. Pourquoi il y a eu ce changement le festival, à l'origine, il était au mois de juin. Il y avait des éditions qui sont faites au mois de décembre, premières éditions, après c'était au mois de juin. Après la demande de la ville, qu'à l'époque, le festival était déplacé vers le mois de septembre, début septembre. Mais avec les dates qui s'est entrechoquées entre le livre sous la place et notre festival, nous étions toujours la deuxième semaine de septembre, ou la première semaine, deuxième semaine de festival septembre qu'on occupait. Et finalement, avec les dates des livres sous la place qui sont déplacées, nous on s'est retrouvés au mois d'août. Et on a perdu une bonne partie du public qui étaient les étudiants, les lycéens et même des gens qui rentraient des vacances. Ils étaient plus occupés de préparer les rentrées scolaires que de venir au festival. Et pour cette raison, on a décidé de déplacer le festival. Au départ, c'était prévu l'année dernière, fin septembre, mais avec toutes les dates qui étaient sur la ville de Nancy, en commun accord avec la ville de Nancy, on a décidé de déplacer le festival en choisissant les dates. On a choisi les dates, je peux le dire maintenant parce que c'est déjà publié sur notre réseau social. C'est du 27 juin au 6 juillet, c'est-à-dire on revient presque aux dates originales du festival. C'est surtout on cherchait une période de l'année où on peut faire les projections en plein air. Parce que maintenant on fait partout les projections en plein air, mais les festivals AIAI ou Festival international des films de Nancy, c'est festival qui était à l'origine des projections en plein air, surtout ici à Nancy. Au départ, c'était improvisé, pas très loin d'ici, des studios de Radio Fajet. C'était sur la place Charles III, s'est déplacé pour terminer dans la cour de la médiathèque ou la manufacture, comme on peut dire. Voilà, ça, c'était l'objectif, de se retrouver dans un lieu de convivialité, parce que depuis plusieurs années maintenant, sauf pendant les années des travaux qui nous affectaient beaucoup dans notre fonctionnement, on occupe deux cours de la manufacture. Et ça crée un espace de vie, un village festival avec le bar, un restaurant, les concerts. Et de l'autre côté, c'est la salle éphémère sous les étoiles, comme on appelait, où il y a une véritable projection et possibilité de projeter. Et tous les invités qui sont venus à notre festival, les réalisateurs, les acteurs, ils étaient ravis de se retrouver dans cette ambiance, surtout dans la soirée, sous le marronnier. D'avoir des. Et cette proximité avec le public, c'est surtout ça qui l'intéressait. C'est le mélange entre les acteurs, réalisateurs et public, et possibilité d'échanger, pas seulement derrière la pupitre de la salle des sièges des salles, mais directement de parler avec les réalisateurs. C'est ça qui est intéressant. J'avais juste une petite question. J'aimerais savoir ce qu'on pourrait retrouver. En cette édition, est-ce que vous avez un petit peu pour nous mettre l'eau à la bouche quelque chose c'était prévu et c'est déjà confirmé. On va travailler pour le focus pays cette année, c'est avec la Belgique, le cinéma belge. Super. On connaît beaucoup d'acteurs belges en France, quelques réalisateurs aussi. Mais il y a vraiment un cinéma belge qui est très très vivace et on va essayer de montrer tout ce qui s'est fait là-bas, pas seulement en Wallonie mais également aussi en Flandre et peut-être aussi un petit peu de partie germanophone de Belgique. Nous on est aussi dans notre Grand Est aussi avec Cineuro, c'est une coopération entre la Grand Est avec le Luxembourg et Belgique pour la production en commun des films. On a déjà fait notre sélection des courts-métrages, elle est déjà presque terminée. C'est des films qui sont vraiment des véritables pépites, il y a de tous les genres. Là, on termine aussi la sélection des documentaires. On est un petit peu aussi embêté avec les changements des dates parce que ça fait une période beaucoup plus longue. Mais je pense que le public va être ravi pour le film qu'on va découvrir. Et bientôt, je dirais presque un mois avant le festival, va être disponible sur tous les réseaux sociaux et on va le présenter. Bientôt, on va découvrir aussi l'affiche. Du festival est toujours fait par quand la photo est faite par David Stewart, c'est un photographe britannique. Ça fait les liens aussi avec le photographe Nicolas qui va être juste après moi ici dans les studios. Tout à fait. Et c'est des photos souvent décalées. Tu peux, comme notre festival, quelquefois, il y a des thématiques qui sont décalées, qui sont drôles. Mais c'est surtout, on fait attention sur les films qui touchent les droits humains, qui nous amènent à réfléchir, de parler des problèmes des sociétés, tout ce qui nous touche. Et qui nous... Mais il y a aussi des films drôles, il ne faut pas penser que ce sont les films sérieux. De Lumière en Art, on est très sensible à vos enjeux, vos problématiques, les thématiques abordées, et c'est pour ça qu'on n'hésitera pas à partager au maximum au fil des rubriques et du magazine et des Facebook, des réseaux sociaux pour voilà, dynamiser tout ça, pour faire monter un peu la sensibilisation du public, y compris du jeune public jusqu'aux gens. Merci Jules, parce que nous, notre objectif de notre festival, c'est surtout particulièrement, c'est le travail avec le jeune public aussi, mais avec tous les publics, et même celles qui sont éloignées du, je dirais, de la culture, ou des, ça veut dire c'est ouvert à tout le monde. Et l'éducation à l'image, elle est très très importante, de savoir lire les images, de les comprendre. Et nous essayons les films, parce que tout à l'heure on a parlé en préparant l'émission, ce sont des films qu'on ne peut pas les voir dans les réseaux commerciaux, ou même dans les salles art et essai, et ça c'est la richesse de notre festival. C'est les films que vous verrez chez nous, rarement vous les verrez ailleurs. Très original. C'est pour ça que c'est un festival tout à fait unique et qu'il faut vraiment encourager. C'est passionnant. Partager, encourager. Ouais. Merci. Merci. On va vous laisser quelques instants avec un petit morceau de musique. C'est le dernier album de Beth Gibbons, la chanteuse de Portishead pour les connaisseurs. Ça s'appelle Floating on the Moment. On se retrouve dans quelques instants sur Fadjet Radio. C'est l'émission Éclat de Lumière. À tout de suite. A passenger on no ordinary journey. De retour sur Fadjet Radio, l'émission Éclat de Lumière. On est avec vous pour encore au moins une bonne quarantaine de minutes. Et nous sommes donc avec le président du festival Ayaï. Et je crois, Mouloud, que tu voulais un petit peu parler à présent de, cette femme, de ce fameux anniversaire, puisque cette année, c'est les 30 ans du festival. Oui, dans la réalité, effectivement, les 30 années du festival, c'était l'année dernière, mais l'année dernière, il y a eu une annulation du festival officiel. Je dirais plutôt déplacement, parce qu'on n'a pas annulé, on avait une édition Ayaï Cinéma Express, dans laquelle on a présenté plus de 110 films, courts-métrages et 3 longs-métrages. C'était un petit peu clin d'œil de toutes les éditions à coup de cœur qu'on a eu le public et les jurys pendant ces 30 ans. C'était pendant 3 jours. On a fait pour la première fois aussi, je pense qu'il y était Mouloud aussi, la nuit des courts-métrages. Oui. Et ça marchait. Malgré qu'à la fin, on est resté que dizaines. Hein. On a commencé à centaines, on est resté que dizaines pour la dernière séance qui se terminait vers 5h du matin. Les derniers courageux. Les derniers courageux. Mais on a été un peu frustrés parce qu'il n'y avait pas le plein air. Bon, j'espère que pour le 30e anniversaire qui est reporté à 2025, on pourra avoir le plein air, j'espère. C'est super le plein air. Le plein air, c'est prévu. Et pour le plein air, la différence de beaucoup de plein air qui s'organisent un petit peu partout, notre plein air, il est vraiment des qualités. Parce que c'est un vrai écran qui est tendu contre le mur de la manufacture, avec les projecteurs de DCP qui se trouvent, même qualité que les cinémas, qui se trouvent dans les salles des conservatoires, qui projette directement, et vous vous trouvez vraiment sous les étoiles. Vous avez les petites courants d'air qui passent dans cette cour de la médiathèque avec les films qui sont vraiment agréables. Et j'ai vu les réactions de beaucoup de réalisateurs qui sont venus, qui sont souvent méfiants quand on dit que leur film est en plein air. Et quand ils les voient sur notre écran, de 12 mètres sur 7 mètres, cette image magnifique. On sacralise la salle, Tout de suite, c'est une autre ambiance et ils sont dedans. Ouais, même si on n'a pas l'habitude d'aller au cinéma, on y va parce que c'est le plein air. Voilà, ouais, exactement. Il y a même des gens qui viennent même de plus loin des Nancy pour cette projection en plein air et quelquefois pour regarder un film spécifique. Moi, je me souviens, dernière édition qu'on a eu en plein air, des gens qui sont venus exprès regarder Leningrad Cowboy. C'était très loin, parce que c'était l'occasion de le voir sur les grands écrans, et en plus en plein air. J'en ai même vu venir de Villerue. Faire concurrence au festival de Villerue. On n'est pas concurrent avec le festival de Villerue, avec aucun festival de notre région, comme j'ai dit au départ, c'est un festival généraliste. En plus, on est tous réunis, ces festivals qui sont organisés par des associations de loi 1901, on est réunis dans un réseau, Réseau Fest. Voilà, et pour parler de nos festivals, pour réunir nos, nos revendications, nos positionnements vis-à-vis des pouvoirs politiques et institutionnels. Et ça, la présidence, c'est de notre association, c'est notre directrice qui est présidente de cette association. Et c'est très intéressant, cette association Réseau Fest, qui réunit tous les festivals du film des Grands Est. Oui, alors les festivals, loi 1900, donc il y a des subventions, parfois pas suffisamment. Il y a peut-être des partenariats possibles ou les sponsors possibles. Alors, qu'est-ce que, vous voyez pour l'avenir du festival, soit par les partenariats ou les sponsors éventuels? Parlant des institutionnels et des subventions, on peut seulement dire que tous les partenaires institutionnels de la ville de Nancy, métropole, département, région, l'État par le DRAC et le CNC, ont affirmé qu'ils vont soutenir le festival dans l'avenir à cause de sa spécificité et son travail qu'il fait sur l'éducation, l'image, et apporter quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Et c'est ça la force de notre festival. Peut-être c'est aussi notre faiblesse parce qu'il n'est pas très connu, même ici à Nancy. Ce qu'on a demandé beaucoup, c'est de travailler sur la communication. Et merci à votre association qui va nous aider aussi de communiquer par vos réseaux qui existent, vers vos adhérents et sympathisants. C'est pour connaître le festival beaucoup plus. On est beaucoup plus connu quelquefois à l'extérieur de Nancy que de la Nancy elle-même, sauf le vrai cinéphile qui vient au festival. Et c'est ça peut-être l'objectif, il faut travailler maintenant. Et on va travailler, fin du mois, on a la réunion avec tous ces partenaires de préparer l'avenir du festival. On prépare un projet adapté pour les festivals avec les deux possibilités qui vont être présentées aux partenaires et particulièrement à la ville. Parce que quand même, c'est un festival qui est fait des Nancéens ou un petit peu plus large que Nancéens, pour les Nancéens et un petit peu plus large aussi. C'est vraiment un festival fait par les citoyens, participatif. C'est très participatif, notre festival, parce que la sélection des courts-métrages, c'est fait par une trentaine de personnes. Les courts-métrages, les longs-métrages, un petit peu moins, parce qu'il y a le travail un petit peu plus complexe, je dirais. Mais c'est ce travail. Et aussi, on a nos séances de visionnage des présélections. On réfléchit comment les remplacer, parce qu'à cette période, on a cette sélection des courts-métrages. Mais comme le festival était déplacé, l'inscription des films était déplacée, on va regarder les films qui sont déjà inscrits. On va travailler différemment, peut-être avec le public, pour l'amener vers le festival et préparer cette 30e édition. Et on cherche le partenaire. Le partenaire, c'est les associations comme la vôtre. Les autres associations, on a déjà travaillé. La Imagest, avec qui on travaille pour la salle. Là, on va voir la projection avec la médiathèque. On est ouvert à tout, ici à Nancy, autour de Nancy. Et surtout, les sponsors. Si on trouve des sponsors ou des mécènes, c'est encore mieux. Mais on sait très bien qu'à tenir une association, c'est beaucoup plus difficile de toucher les sponsors. Bon, en tout cas, je souhaite un bon avenir pour le festival AYAY. En tout cas, nous, on va aider, hein, selon le moyen. Voilà, hein, on va certainement diffuser ça sur les réseaux sociaux. Et puis, de temps en temps, une invitation à la radio, ça permettrait de faire connaître un peu plus, un peu plus, disons, le festival. Tony, hein, Merci, on peut souhaiter que le festival vive encore très très longtemps et j'espère qu'on sera là pour le 60e anniversaire. On le souhaite de tout notre cœur. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. Si on n'est pas présente là, on aura notre photo. oui. Non, mais moi, je ferai tout. Pour faire connaître le festival AYAY. Ouais. Mais il faut. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Tony. Et à la prochaine fois, parce que tu as encore à intervenir plus tard pour remettre ça dans la tête. Pour un petit tout peu... à fait, on va présenter déjà une partie. On n'hésitera pas à communiquer. On a seulement la Belgique, on aura le problème. On n'hésitera pas à communiquer sur le festival. Voilà. Exactement. Merci. Allez. On va à présent passer rapidement sur l'agenda culturel, parce que qui dit 2025 dit évidemment rentrée littéraire de 2025. Tous les ouvrages desquels nous allons parler à présent sont des ouvrages que vous pourrez retrouver chez notre partenaire, donc le Hall du Livre qui se trouve donc à Nancy en Grand Est. Ces ouvrages que vous pouvez retrouver donc dans cette librairie depuis le début de cette année 2025. Au début de cette année 2025 est donc sorti le nouvel ouvrage de Haruki Murakami. 7 ans après Le meurtre du commandeur, qui était son dernier roman publié en France, l'auteur de Kafka sur le rivage revient avec une histoire d'amour absolument sublime, poétique et sensible. C'est une quête d'absolu entre deux êtres amoureux. L'un a disparu, l'autre le cherche, et je pense que, chers auditeurs, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour vous plonger dans cet ouvrage. C'est la plume de l'auteur japonais le plus lu en France, une plume poétique, sensible, que, à mon avis, il ne faut pas louper en cette rentrée, parce que, tout simplement, c'est un ouvrage qui va vous mettre véritablement à fleur de peau et qui va vous marquer au fer rouge, à mon humble avis. C'est intitulé « La cité aux murs incertains » et je pense que vous ne devriez pas passer à côté. Un petit détour par l'art pour évoquer très rapidement le dernier ouvrage de Patrick Grainville qui s'intitule « La nef de Jéricho ». « La nef de Jéricho », c'est un ouvrage qui revient sur la vie de Théodore de Jéricho. Ce peintre célèbre pour avoir peint notamment le Radeau de la Méduse, que vous pouvez retrouver donc en exposition à Paris. C'est un tableau qui a durablement marqué le peintre Théodore de Jéricho, qui à cette période-là vivait une histoire d'amour avec sa tante par alliance, Alexandrine. Il avait 26 ans, il me semble, quand il s'est retrouvé face à cette gigantesque toile de 5 mètres de long et de 7 mètres de large, et qu'il a décidé tout simplement de le peindre pour faire l'une des œuvres les plus célèbres de notre patrimoine français actuellement. C'est un ouvrage extrêmement érudit, mais pourtant très très très facile d'accès, que nous vous recommandons très fortement. Ça s'appelle « La nef de Jéricho » et c'est tout à fait trouvable au Hall du Livre à Nancy en Grand Est. Et enfin, c'est un petit coup de cœur personnel sur le plan littéraire que je vais vous partager à présent et pour finir. C'est un ouvrage qui s'appelle « Le pays des herbes debout ». C'est publié par Jean Villemain. C'est un ouvrage absolument stupéfiant, que Télérama a d'ailleurs comparé aux écrits de Tchekhov. C'est un texte assez futuriste. On se trouve dans un état fantôme, géré par un un petit programme par un lointain directoire. Ça rappelle quelques thématiques historiques assez connues. Le narrateur est envoyé comme curateur à Novaradom. C'est une cité hors carte où se trouve une gare gigantesque qui jouxte un observatoire inachevé et qui est précédée d'une enfilade de quartiers, mais tout est désert. Tout est désert, c'est un univers parasité par la pousse massif d'un flot de phragmite. C'est un roseau qui dégage une odeur absolument fétide une fois la nuit tombée. C'est un ouvrage vraiment stupéfiant sur lequel je suis tombé un petit peu par hasard en me baladant parmi les critiques et parmi les sélections coup de cœur de cette rentrée littéraire de 2025. Et c'est un texte que voilà, j'ai absolument dévoré. J'ai adoré, c'est un page-turner absolument dingue que j'ai lu de bout en bout en quelques jours, c'était complètement achevé. C'est à la fois un mélange entre un univers extrêmement futuriste, un petit peu angoissant, il faut bien le dire quand même, mais c'est aussi rempli de poésie et de suspense, et j'ai vraiment beaucoup adoré, et il y a assez peu de personnes qui en parlent, et donc je souhaitais mettre un petit coup de projecteur dans notre sélection de janvier, notre sélection littéraire de janvier, sur donc cet ouvrage qui s'appelle « Le pays des herbes debout », c'est écrit par Jean Villemain. Je vais à présent vous laisser avec un tout petit peu de musique, on va revenir dans quelques instants avec notre deuxième invité, qui est un photographe talentueux, vous allez le voir. Je vous laisse avec mon morceau préféré du dernier album de La Femme, c'est intitulé « Ciao Paris ». A tout de suite sur Fadjet Radio. Bye bye Paris for today. Fadjet Radio, vous êtes donc sur Éclat de Lumière dans l'émission donc qui parle de culture nancéenne, de culture régionale, mais aussi nationale. Je suis avec notre deuxième invité ce soir, je suis donc avec le photographe Nicolas Dorn. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis absolument ravi de vous recevoir pour cette exposition qui a été donc prolongée jusqu'au 22 janvier à la Chambre de commerce de Nancy et qui porte sur les cathédrales industrielles que vous avez photographiées. Avant ça, j'aimerais juste revenir très rapidement. Donc vous êtes photographe indépendant depuis 2008, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Et vous êtes issu d'une famille d'artistes. Votre mère est sculptrice et votre père et votre oncle sont peintres. Alors j'aimerais savoir, juste pour remettre un petit peu en contexte, comment vous en êtes venu, vous, à la photographie? Oula, question un peu compliquée. Disons que je pratique la photographie depuis que je suis tout gosse, en fait. Hein. J'ai commencé la photo, je devais avoir peut-être 7 ans. Alors à l'époque, avec des moyens très rudimentaires, je ne dis pas un jetable, mais c'était quasiment équivalent à ça. Ouais. Voilà. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'était début des années 80, c'était quelque chose d'assez peu courant. Aujourd'hui, tous les gamins ont des téléphones portables dans les mains et font de la photo comme j'en faisais à l'époque. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire de l'image. J'ai toujours été très mauvais en partant de quelque chose de vierge, par exemple une feuille blanche pour faire du dessin. Par contre, je m'en sortais quand même assez bien pour ce qui était de capturer quelque chose de concret, une scène de la vie quotidienne, un paysage, peu importe, et de le fixer à l'aide d'un appareil photo. Donc moi, j'étais vraiment plus dans quelque chose où je partais d'une matière première concrète et pas ex nihilo d'une masse de terre ou d'une feuille blanche pour faire un dessin. Quelque chose d'existant. Tout finalement. À fait, oui. Et donc, vous y êtes revenu après plusieurs années dans l'informatique, si je ne dis pas de bêtises, en 2008. Vous êtes revenu donc à la photographie. Alors, c'est pas que j'y suis revenu parce que j'ai jamais vraiment quitté la photographie. J'en ai toujours fait un petit peu. Alors bon, à l'époque, c'était plutôt de l'argentique, donc ça coûtait cher. Donc, on n'en faisait pas comme on peut en faire aujourd'hui à gogo parce que ça coûte rien. Simplement, c'était quelque chose que je faisais sur mon temps libre. C'était vraiment quelque chose que j'appréciais comme ça en loisir. Et à côté de ça, j'ai fait des études comme tout le monde et j'ai pris un métier dans l'informatique qui me convenait bien également. Pour rien vous cacher, à l'époque, j'étais pas du tout convaincu qu'on pouvait vivre de la photographie. Et du coup, j'avais même pas essayé de le faire et j'étais parti dans autre chose. Et au bout de 10 années, à galérer un peu avec des petits jobs, avec des choses qui n'étaient pas très valorisantes, et il a fallu que je fasse autre chose. Et en faisant un peu le tour de ce que je savais faire, effectivement, la photo s'est posée comme un candidat intéressant. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte, alors ça c'était il y a un peu plus de 15 ans du coup maintenant, donc en 2008, qu'il y avait un marché à prendre au niveau des entreprises, parce que tous les photographes se mettaient dans les pages jaunes et allaient faire du mariage, mais au final dans les entreprises, il y avait des besoins et il n'y avait pas de photographes spécialisés en région. Il y en avait à Paris bien sûr, mais pas vraiment de demandes, enfin pas vraiment d'offres plutôt, excuse-moi, sur la partie comment dire excentrée, donc régionale, tout à fait régionale, ouais. Donc du coup, j'ai proposé mes services et là ça a tout de suite matché en fait. Ça a tout de suite bien fonctionné, ouais. Complètement, ouais. Ok. Et donc vous en avez fait donc pour plusieurs entreprises, hein, mais aussi pour le sport puisque vous avez vous avez été photographe du SLUC à une certaine période, ou l'un des photographes du SLUC. Tout à fait. Pendant 4 saisons, j'étais le photographe du SLUC, parce qu'ils ont un photo... Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais à l'époque, ils avaient un photographe attitré. Il se trouvait justement que le photographe qui était là avant moi était un photographe de mariage. Et la problématique, c'est que ben, les samedis soirs, donc soir de match, oui, il était très souvent indisponible, donc il fallait quelqu'un d'autre. Et je les ai rencontrés par hasard au détour d'un événement organisé par un de mes clients, justement à Gentilly. Mmh. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit, ah bah tiens, on cherche un photographe. Et puis ça s'est fait comme ça. Et j'ai fait leurs photos, donc j'ai fait tous leurs matchs pendant 4 saisons. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était sur la période notamment de 2011, le dernier titre. Donc j'ai accompagné l'équipe de John Linehan à Bercy. Incroyable. C'était vraiment sympa. Et la conséquence également de tout ça, c'est que comme ils ont été champions de France, l'année suivante, c'était le lockout. Et donc, on a eu Nicolas Batum qui était là. Évidemment. Et donc, j'ai profité également de la saison avec Nicolas Batum derrière. Et c'est ça, génial. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir faire des photos studio avec lui, de pouvoir faire vraiment des photos pendant les matchs, de pouvoir les rencontrer et tout. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vous envient là tout de suite. Mouloud, tu avais une question ? Oui, parce que moi je suis allé voir son expo qui est superbe, super photographe qui a bien photographié l'industrie. L'architecture industrielle lorraine, parce qu'elle est lorraine avant tout. Et moi, j'ai fait beaucoup de maintenance dans toutes les usines qu'il a photographiées. J'ai travaillé dans toutes ces usines, j'ai fait de la maintenance, beaucoup de maintenance. Mais en même temps, j'ai fait aussi de la photo dans le temps. Et c'est un domaine auquel je voulais m'intéresser, que j'ai négligé, et je le regrette maintenant, parce que toutes les usines où j'ai travaillé, il y en a beaucoup qui ont fermé, qui ont été détruites. Et entre autres, la sidérurgie, bien sûr, la métallurgie. Et j'ai trouvé les photos très, très, très belles. D'ailleurs, je les ai toutes photographiées moi-même photos. Pour les garder. Alors, je ne sais pas pourquoi il a choisi ça. Ouais. C'est vrai, quand on est lorrain... C'était l'une de mes questions aussi. Ça peut être passionnant de faire revivre ce qui a fait vivre la Lorraine, quoi. Que ce soit financièrement, que ce soit culturellement, humainement, parce que les ouvriers venaient de partout dans le monde. Hein. Il y a beaucoup d'immigrés... Polonais, Italiens, Algériens, Marocains, dans ces industries lorraines. Qu'est-ce qui t'a amené effectivement à faire de la photo de l'architecture industrielle ? Parce que c'est très beau en plus. Alors, je vais déjà apporter quelques petites précisions sur l'exposition. Tout d'abord, je tiens à préciser que l'ensemble des entreprises et des usines qui ont été photographiées sont toutes des usines en fonctionnement. Il n'y a pas de friche industrielle. On est vraiment dans de l'usine fonctionnelle. Ça me semble important à préciser parce que systématiquement, dans l'esprit des gens, quand on leur dit photo industrielle, ils pensent friche, ils pensent abandon. Abandon et éléments. Ruine. on est vraiment dans des structures qui sont toutes pleinement fonctionnelles. Ça a été complètement réalisé conjointement avec les entreprises qui ont toutes validé les photos. Qu'ils les ont vus, voilà, et tout est fait en pleine transparence avec elles. Donc ça, déjà, c'est un projet qui est sympa parce que ça permet de fédérer vraiment, justement, ces industries. La deuxième chose, pour répondre à Mouloud par rapport à sa remarque sur le fait que les gens viennent de partout, la grande remarque qu'on m'a fait sur cette exposition, c'est il n'y a personne sur tes photos. J'anticipe parce que je sens que ça va arriver comme question, parce qu'on me la pose à chaque fois. En fait, la thématique de l'exposition était vraiment basée sur l'architecture et sur le côté justement démesuré des installations industrielles, tout particulièrement d'ailleurs dans la sidérurgie, parce que c'est là qu'on a les bâtiments les plus colossaux. La sidérurgie et également dans l'énergie, je pense à la centrale Émile Huchet, par exemple, à Carlin, qui est excessivement gigantesque. Voilà. Donc, dans l'idée, ça a été vraiment de montrer un peu ces lieux qui sont des décors de cinéma et de les montrer vides parce que ça permet de vraiment se rendre compte du côté extraordinaire de ces lieux. Toutefois, Ça, c'est une petite exclue que je vous lâche. C'est gentil, c'est bien gentil. Voilà, juste pour Fadjet. L'idée, c'est que le projet continue. Il y aura certainement d'autres expos derrière. Et dans les autres expos, je vais également remettre de l'humain, des gens au travail, des dedans, silhouettes, voilà, des corps. Voilà, pour changer un petit peu, pour pas faire toujours la même chose d'une part, et aussi pour répondre à toutes les mauvaises langues qui pensent qu'on peut pas, enfin, voilà, qui pensent que c'est un loupé, c'était pas un loupé, c'était un choix. Un choix assumé, simplement voilà, sur la prochaine on essaiera de mixer un petit peu les deux. C'est un beau travail, je l'affirme, hein, c'est un très beau travail, ça m'a fait plaisir à regarder ça, parce qu'il y a toute une mémoire qui revient et tout ça. C'est... Voilà. J'en profite parce que du coup j'ai pas du tout répondu à votre question, donc j'ai quand même répondre à la question, je vais juste faire un petit préambule pour poser une chose ou deux. Simplement, comment j'en suis arrivé à faire de la photo industrielle? En fait, quand j'ai commencé, et aujourd'hui c'est encore le cas, je travaille avec des entreprises de tous horizons et de tous secteurs. J'ai une grosse activité, par exemple, dans tout ce qui va être photo de chantier, photo pour tout ce qui va être TP, BTP. Je vais aussi faire de l'événementiel, je vais faire du portrait, je vais faire du culinaire. Donc des choses vraiment du tourisme, voilà, des choses extrêmement variées. Et évidemment de l'industrie. Et en fait, du coup, en faisant tout ce panel, tout cet éventail de photos, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça. Mais l'industrie a un petit truc en plus qui est justement ces décors de cinéma qui sont fantastiques. Et c'est toujours un grand plaisir d'aller découvrir des lieux comme ça qui sont... hors du temps, hors de tout, en fait. On a l'impression d'être vraiment dans quelque chose de... Comment dire ? D'être dans quelque chose de lunaire, dans quelque chose de... On a l'impression d'être dans un bouquin de science-fiction, quoi. C'est à moitié ça. C'est à moitié c'est extraordinaire. C'est génial. C'est exactement ça. C'est absolument génial. Et c'est ça que je voulais partager. Parce que je pourrais publier des photos intéressantes dans d'autres secteurs. J'en ai plein. Mais... Les autres secteurs, c'est des choses qui sont, comment dire, plus habituelles. Même si je vous montre des très belles photos de la Plastane, je veux dire, la Plastane, tout le monde l'a déjà vue. Oui, tout le monde la connaît en photo. Surtout à Nancy, d'ailleurs. Surtout les Nancyens. Mais on en est voilà, très fiers. Voilà, tout à fait. Mais en fait, voilà, il n'y a pas... même s'il y a des points de vue qui sont un petit peu insolites, je veux dire, personne ne sera déstabilisé ou ne sera vraiment... comment dire, ne sera surpris du résultat. Du résultat, ouais, alors que là, on a des endroits où personne ne peut pénétrer, je veux dire, des usines en fonctionnement, à moins d'avoir vraiment quelque chose à y faire, c'est-à-dire soit d'y travailler, soit d'avoir un rôle politique et d'être amené à faire une visite officielle. Il y a assez peu de raisons d'accéder à ces lieux-là. Et les gens ne savent même pas qu'ils existent. Le plus souvent, ils passent devant en voiture sans même soupçonner. C'est presque devenu un décor. Voilà. Ouais, exact. Mais c'est même pas que c'est devenu un décor, c'est que c'est fondu dans le décor. C'est-à-dire qu'il y a souvent des arbres, des machins. Et il y a vaguement un entrepôt derrière, mais on n'a pas la moindre idée de ce qui s'y passe. Et encore moins de ce qu'on pourrait y découvrir. Ouais, ouais, exactement. Et même moi, quand j'arrive sur un site et que je suis devant le site, je suis toujours très loin d'imaginer ce que je vais découvrir à l'intérieur. Et c'était justement c'est un peu une surprise finalement. C'est ça, c'est une pochette surprise. Et j'avais juste une question parce que je suis Mussy Pontin. Donc moi j'ai grandi avec le haut fourneau, cette industrie de moi, cette industrie fonctionnelle à côté de moi. Et je ne suis jamais rentré dedans. Et c'est une dernière question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qu'on ressent face à ça? Quelles émotions on a quand on se retrouve face à cette colonne d'acier comme ça qu'on vient pour photographier? J'ai envie de dire que c'est très variable. Si je devais faire une comparaison, ce serait comme si on me demandait qu'est-ce que je ressens quand je suis devant un paysage. J'ai envie de dire, ça dépend lequel. Si je suis dans un désert, c'est là, pas... Là, c'est un paysage précis. Ouais, oui, celui de Pont-à-Mousson, oui. Mais, enfin, chaque usine, on va dire, est différente. Mais pour répondre spécifiquement sur celle de Pont-à-Mousson, elle est extraordinaire, celle de Pont-à-Mousson. Pour une raison toute simple, c'est que c'est une usine, et je vais plutôt parler de celle de Blénaud que de celle de Pont-à-Mousson. Qu'est-ce qu'elle est à Blénaud, effectivement. Il y a deux usines sur le site. Il y a l'usine de Pont-à-Mousson avec le haut fourneau et la fabrique de tuyaux, donc tout ce qui est centrifugation. Et l'usine de Blénaud, les Pont-à-Mousson, qui est la fonderie à plat, donc qui fait les tampons de voirie, les avaloirs, tout ce qui va être ce qu'on appelle vulgairement des bouches d'égout, et tout ce qui va être effectivement à plat, donc qui reçoit sa fonte de Pont-à-Mousson, qui la réchauffe et qui ensuite... voilà. Et si on prend cette deuxième usine qui m'a le plus scotché sur les deux, elle est assez petite, ramassée et extrêmement dense. Et c'est une fourmilière, ça part dans tous les sens. Vous avez des ponts roulants qui passent avec des poches de lave. Vous avez des espèces de gros fenwicks, pareil, qui passent avec des poches de... Enfin, pas de lave, de fonte. D'acier en fusion. De fonte en fusion. La fonte ductile. La fonte ductile, absolument. J'ai travaillé aussi dans cette usine. J'ai tout fait là-bas. Voilà, vous avez les ouvriers qui balancent des pains de magnésium dans les poches de fonte, ce qui génère des flashs énormes. Ouais, c'est magnifique, c'est plein de couleurs. Voilà. Et vous avez, ce qui est génial avec les matériaux en fusion, c'est que quand ils passent près de vous, vous avez les rayonnements thermiques en plus qui viennent rajouter à ça, plus le bruit, l'ambiance. Enfin, c'est vraiment la forge des nains dans le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est un truc de fou furieux. C'est un décor de cinéma. C'est une autre planète. Et franchement, j'ai pris un plaisir colossal à y aller. C'est génial. Et pour tout vous dire, ça faisait plus de 15 ans que je fantasmais de pouvoir aller faire des photos dans cette usine parce que je l'avais visitée et que je n'avais jamais réussi pouvoir y faire des photos. Et en fait, le projet m'a permis de demander la permission d'aller faire les photos. Et je remercie ici Pont-à-Mousson de m'avoir accordé cette autorisation. Et voilà, c'est Laurent Picard, donc le directeur de la communication de l'usine, qui m'a donné son feu vert. Et franchement, je le remercie ici. Et du coup, ça m'a permis d'aller enfin vous faire des photos dans cet environnement absolument sensationnel. Et c'était extrêmement... j'ai passé un super moment à visiter ces deux usines. Et tu m'as fait remonter à la mémoire des tas d'images. Parce que moi, j'allais dépanner... J'ai fait la maintenance aux arrêts de Pont-à-Mousson pendant l'été et on dépannait les centrifugations des machines qui faisaient les grandes tuyauteries en fonte ductile. Oui, je vois très bien. Ah oui, alors les hauts fourneaux viennent fermer les hauts fourneaux. Pour clore, il y aurait beaucoup encore à dire. On a eu la chance au niveau de Lumière en Art de découvrir l'exposition un peu dans les coulisses avec Nicolas en avant-première avant qu'elle soit inaugurée. Et ça nous a donné l'occasion à l'inauguration d'y retourner et on était très nombreux de l'équipe à être là ce soir-là. C'était très réussi l'inauguration, ce qui n'est jamais évident, donc c'était à la CCI de Nancy. Et on a déambulé à travers... les lieux où étaient présentées les différentes photographies. On a pu écouter les réactions du public, un public très varié, qui était vraiment enthousiaste, et c'est très très exceptionnel, de belles réactions comme ça pour des photographies. Ils ont été sensibles au thème, au contenu, aux couleurs, formidable. Cette scénographie des cathédrales industrielles, il y a vraiment eu un bel enthousiasme. En tout cas, bravo à Nicolas. Bravo, bravo à Nicolas. Et merci beaucoup d'être passé nous voir dans cette émission pour évoquer cette exposition qui se tient donc jusqu'au 22 janvier à Nancy et un petit peu partout. Un dernier mot pour la fin. Oui, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait du un petit peu partout, c'est une expo qui a vocation à être itinérante. Oui, voilà, c'est ça. J'allais préciser. Ouais. Du coup, pour... vous donner quelques infos. L'expo sera ensuite à la fin du mois. Donc là, elle est prolongée jusqu'au 22. Elle sera les 30, 31 et 1er au Parc des Expositions à Metz lors du Salon WorldSkill, le Salon des Compétences. L'expo reviendra sur Nancy pendant tout le mois de mai à Nancy Thermale. Oui. On aura un très beau lieu d'exposition, à savoir donc la galerie centrale de Nancy Thermale. Ensuite, l'exposition part 2 mois dans les Vosges. Elle part dans le palais abbatial de l'abbaye de Senones, près de Saint-Dié. Près de Saint-Dié, ouais. Et ensuite, un petit mois de répit, et elle reprend en septembre à Bure, sur dans le laboratoire de recherche d'enfouissement des déchets radioactifs de l'Andra. De déchets dans la Meuse. Voilà, donc dans l'espace technologique. Pour que le maximum de monde puisse admirer cette belle exposition. Voilà, et sachant qu'il y aura certainement d'autres dates à venir. À venir encore. Parce que là, c'est vraiment sa première date, sa première sortie à la CCI. Et l'idée, c'est que maintenant que les gens la voient, là, ça va générer des demandes. Et donc, voilà, il y a d'autres discussions, notamment à Nancy, avec l'ENSIC, donc l'école de chimie. Donc, encore une belle vie devant elle. Voilà, qui pourrait l'accueillir. Et sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est probablement la première d'une série. Donc, il y aura d'autres événements à l'avenant. Merci beaucoup, Nicolas Dor, pour cette intervention autour donc de l'exposition Cathédrale industrielle qui se tient à la Chambre des commerces et partout en Lorraine après le 22 janvier. Et on est à présent avec donc nos derniers invités pour cette émission. Et oui, déjà, nous sommes donc avec Richard et Jean-Baptiste de la Foucotte. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, qui gèrent respectivement le théâtre de la Foucotte et qui sont venus un petit peu nous proposer le programme pour les mois à venir et pour cette belle année 2025, Gilles. Voilà, on souhaitait, Théâtre de la Foucotte, que vous aviez redécouvert ou découvert pour certains de nos auditeurs. Et oui, puis c'est très plébiscité, on a énormément de retours et de réactions, donc c'est bien. On s'est dit, en ce début d'année, il faut qu'on voit un petit peu la suite d'une programmation très variée, très riche. Et c'est le moment, autant c'est intéressant de donner la parole à ceux qui animent ce lieu passionnant. Et puis Richard, d'autant qu'il a été entre-temps personnalité de la vie culturelle, il a eu un joker de l'excellence pour tout son investissement dans la vie culturelle en Lorraine en décembre, c'est tout récent avant les fêtes, donc on le remercie encore de sa présence et puis on le félicite pour cette belle reconnaissance. Merci à vous, hein. Je l'ai pris en tout cas pour le plan associatif global, voilà. Je l'ai partagé avec tous mes collègues. Et avec l'équipe, voilà. D'ailleurs ce joker est affiché dans le hall d'entrée du théâtre. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans les mois à venir à la Foucotte? C'est ça qu'on a envie de savoir, que les auditeurs ont envie de savoir. Quels sont les spectacles à l'affiche? Alors, dans les mois à venir de la programmation à la Foucotte, comme d'habitude, beaucoup de spectacles sympathiques, de la comédie, surtout de la comédie. Je crois que la période est faite pour qu'on ait besoin de rire. On en a, donc, j'allais dire, voilà, on en a besoin. On a beaucoup on besoin, a pas, voilà. Donc la Foucotte est là pour pourvoir, pour amener du rire. Donc clairement, le prochain spectacle, c'est vendredi qui arrive, le vendredi 17 janvier. Donc on sera le lendemain de la diffusion de l'émission. Voilà, exactement. Dès le lendemain, vous pouvez nous retrouver à 21h avec un spectacle très sympathique. Alors le titre, excusez-nous mesdames, Les hommes préfèrent les emmerdeuses. Voilà, une pièce de Patrick Hernandez, qui est quelqu'un qui est venu chez nous nous proposer plusieurs spectacles. Là, ça sera le troisième. Donc, Les hommes préfèrent les emmerdeuses, vendredi 17 à 21h. Ensuite, on continuera avec une très jolie venue. On est très heureux d'accueillir dans nos futurs habitués le Paris Comedy Club. Donc, c'est une production qui regroupe les meilleurs stand-uppers, personnes qui font du one-man show, des magiciens. Donc, ils viennent chez nous le 24 janvier et on démarre très fort avec trois artistes sympathiques. Voilà. Ben, Florian Lex et Romain Barreda. Pour ceux qui sont habitués des réseaux sociaux, forcément, vous les connaissez. Voilà, on vous les recommande vivement, chaleureusement. Ben. Coup de cœur, lumière en art. Ben, qui a participé au duo de Jérémy Ferrari, il me semble. Tout à fait. Avec voilà. Sa mère également. Oui, beaucoup. Il a beaucoup travaillé avec Arnaud de sa mère. Ouais, c'est quelqu'un que vous devez connaître. Voilà, donc on a le plaisir de les accueillir dès la toute première du Paris Comedy Club. Donc, c'est le 24 janvier à 21h également. On va continuer ensuite avec deux rendez-vous le 1er février. Alors là, c'est une production... sont plusieurs compagnies, mais qui nous sont amenées par nos amis de Grand Est Spectacle, qui viennent chez nous de façon régulière maintenant depuis le début de l'année, depuis en tout cas le début de cette saison. Alors, à 16h30, un spectacle pour enfants qui s'appelle « Les aventures du magicien d'Oz ». Et puis, le soir, un peu plus adulte, un spectacle qui s'appelle « Marié au premier ringard ». J'aime beaucoup le titre. C'est très amusant. Voilà, donc le pitch rapide sur « Marié au premier ringard ». l'amour et la science peuvent-ils faire bon ménage? Donc, bah, venez le 1er février, puis vous aurez la réponse. Et un spectacle, moi, que j'ai très très envie de voir, et je suis très impatient. Alors là, c'est un personnage très particulier. Le 7 février, à 20h30, nous accueillons... Jeffou le Gnou, effectivement, un ami corse, voilà, qui va revenir sur le continent. Alors Jeffou, pour ceux qui ont aimé ce film avec Jean Reno et Clavier, L'Enquête Corse, c'est un des personnages du groupe de Jean Reno, ces indépendantistes bien sympathiques, bien rigolos. Et donc là, il est dans une pièce écrite pour lui spécifiquement et mise en scène par son ami Eric Fraticelli. Alors on espère qu'Eric Fraticelli fera le déplacement aussi. Mais voilà, on accueille Jeffou le Gnou dans son spectacle Je pense, donc je suis, pense, P-A-N-S-E. Hein. Donc il y a tout beaucoup de sur le titre. Un personnage truculent en tout cas. Oui, et puis, bon, vous verrez les petites vidéos qu'on va mettre sur les réseaux de la Foucotte les prochaines semaines. C'est un peu déroutant, mais honnêtement, le personnage est très sympathique et ça donne envie. Voilà, donc venez. Donc 7 février, 20h30 au Théâtre La Foucotte. Puis je crois qu'il nous reste après, pour le mois de février, on en a encore trois. Le 14 février, pour fêter la Saint-Valentin, alors, l'après-midi, un spectacle pour enfants, ça s'appelle Maxence au pays des cinq sens. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Et le soir, à 21h, puisque c'est la Saint-Valentin, bah, une pièce autour de l'amour, ça s'appelle Un couple presque parfait. Et puis pour terminer en beauté le mois de février, on aura un spectacle, alors là, ça sera le 21, mais bon, je vous l'annonce quand même, c'est une très jolie écriture d'un artiste bien sympathique, Frédéric Sandeau, quelqu'un qui a beaucoup travaillé autour du théâtre de Bouvard, et puis avec une talentueuse comédienne qui s'appelle Séverine Warnez, et Frédéric a écrit une pièce qui s'appelle « Comment draguer après 50 ans ?» Voilà. Ou alors comment draguer sur un malentendu. Donc c'est une création, ils sont en train de la rôder depuis quelques temps, mais ils nous font le plaisir de venir chez nous le 21 février. Ils sont déjà venus au mois d'octobre et ça a été une très très belle expérience. J'ai vu passer, sur la porte à côté. Et on a vraiment beaucoup apprécié ce couple de comédiens et ils reviennent chez nous, le 21 février. Je pense qu'on ne manquera pas de faire un petit peu de promotion, à la fois pour les spectacles qui sont évoqués. Voilà. Et pour ce dernier spectacle qui, évidemment, l'émission de février arrivera avant, donc on ne manquera évidemment pas d'en reparler dans notre agenda culturel. Brièvement, pour clore, alors une petite information rédactionnelle. On va, au niveau de nos réseaux sociaux, trois fois par semaine, à partir de la semaine prochaine, diffuser des informations régulières sur les spectacles de la Foucotte. Donc c'est un petit plus de lumière en art pour accompagner toute cette dynamique de programmation sur différents réseaux sociaux, Lumière en art officiel, les amis qui aiment Lumière en art, le club, etc. Ça, voilà c'est pour les pages Facebook, voilà. Et puis peut-être Richard, si tu veux dire un petit mot sur les auditeurs qui souhaiteraient soutenir ou participer à la Foucotte, comment on fait? C'est assez simple. On a créé une fiche d'adhésion membres sympathisants. Parce que tout simplement dans la série Foucotte en scène nous pouvons proposer le tarif réduit à ses adhérents et le fait d'avoir nous un maximum d'adhérents ça peut nous aider à monter nos dossiers auprès de la Fondation du Patrimoine et auprès du mécénat d'entreprise parce que vous savez quand une association commence à devenir assez grosse avec 200 adhérents, on peut partir sur du rescrit fiscal pour les entreprises qui peuvent mécéner nos travaux de sauvegarde du bâtiment de la Foucotte. Voilà, et cette bulletin d'adhésion, vous pouvez aussi le trouver sur notre page Hello Asso. Et c'est pas cher, 15 euros. Pour l'année. Merci beaucoup Richard, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission Éclat de Lumière. C'est une émission donc que j'ai animée avec Mouloud, Gilles. Et je remercie tous nos invités qui ont été présents au cours de cette émission. Quant à nous, on peut se retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Ils viennent d'être cités, les pages Facebook. Lumière en art. Lumière en art sur Facebook, pardon, Lumière en art sur Instagram, les amis qui aiment Lumière en art et le compte TikTok, on ne l'oublie pas, qui vient d'arriver. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mois de janvier. On se retrouve comme d'habitude le deuxième jeudi du mois de février à 17h. D'ici là, sortez, n'hésitez pas à vous cultiver. C'était Éclat de Lumière sur Fadjet Radio. Au revoir.